Chapitre 51e. L'oncle. Il choisit d'aller au bled le lendemain par le premier quart du matin. Il passa le reste de l'après-midi à flâner sur le port. Il était content de découvrir sa vraie patrie. Au moins ici il faisait un franc soleil et surtout il faisait doux. Il serait agréable de voyager à la fraîche. Il avait hâte de s'enfoncer un peu dans les terres. Alger lui semblait trop moderne. Il avait besoin de retrouver le vrai pays. Le lendemain, aux alentours de 6 heures du matin, il monta dans un car aussi poussiéreux que poussif. Seul avantage, le voyage coûtait une misère. Mais en dépit de l'heure encore matinale, il était bondé. Beaucoup de femmes qui avaient fait leur plein de provisions pour le mois. Le voyage ne le charma pas moins. Bientôt, il découvrit qu'Alger était bien plus étendu qu'il ne le pensait au départ. Certains quartiers neufs étaient vraiment très beaux et annonçaient une certaine opulence. Opulence qui disparut hélas bien trop vite à son goût, pour laisser place à des banlieues miteuses, pour ne pas évoquer les nombreux taudis. Enfin, ce fut la campagne, la route défoncée, morne, poussiéreuse. La température commençait à monter et le soleil était déjà bien haut dans le ciel quand le car atteignit enfin le village, son village. Sans même l'avoir jamais vu, il le reconnut immédiatement. Tout lui semblait si familier. Le terme de village était impropre. C'était en fait un hameau, regroupant tout au plus quelques centaines d'âmes traversées par la route de part en part. Aussi n'eut aucun mal à trouver le magasin de l'oncle. Beaucoup plus petit en fait que ce qu'il s'était imaginé. Enfin, un peu en retrait de la chaussée, il vit la maison qui ressemblait plutôt à une tour avec son toit-terrasse. Elle lui sembla en assez bon état. Il remarqua combien les fenêtres étaient petites et jalousement gardées. La porte d'entrée semblait solide. Comme le magasin de l'oncle était ouvert, il alla s'y présenter. Un vieil homme, à l'air fatigué, était assis dans le fond. Il ne se leva même pas pour l'accueillir. Les affaires devaient être mauvaises, à moins que son oncle ne le prenne pour l'un de ces touristes qui n'achètent jamais rien. Osinmani se sentait un peu piteux de ne pas connaître son prénom, car cela lui aurait facilité les choses pour engager la conversation. Mais celui-ci lui épargna cette peine. Il semblait l'avoir reconnu. Alors comme ça, c'est donc vrai que tu es revenu ? Lui dit-il pour tout accueil. Ne t'attends pas à ce que ta mère te saute dans ses bras, elle qui pensait avoir fait le bon choix en t'envoyant en France. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? Il n'y a que de la merde et de la poussière à récolter, de la misère et du désespoir. C'est comme ça ? Il n'y a rien ici, surtout pour un homme jeune qui a plein d'idées dans la tête. Parce que, naturellement, tu nous arrives avec plein d'idées nouvelles. Pourquoi serais-tu différent des autres? Tu penses que tu sais mieux parce que tu allais un peu plus longtemps à l'école. Mais ici, il n'y a rien. D'autres, avant toi, se sont cassés les dents sur cette terre ingrate. À ce discours, Osinmani se sentit affranchi de toute forme de politesse. Ce n'était pas le premier potentat qu'il croisait sur sa route. Et il n'en avait tout de même affronté de plus coriace que ce vieil homme qui n'avait que sa gueule pour se défendre. Il choisit de se montrer froid pour bien marquer la distance et refusa obstinément d'employer les formules de politesse en usage. « Je ne t'ai rien demandé que je sache. Je veux juste voir ma mère et mes sœurs, puis je repartirai puisque tu ne saurais que faire d'un avocat. »« Avocat, c'est bien ce qu'il m'avait semblé entendre. Il est vrai que j'aurais besoin de quelques conseils. Mais rien qui pourrait te nourrir bien très longtemps. Dis toujours, « Bon, tu sais, c'est toujours la même chose. Les gens deviennent de plus en plus voleurs. » Avant, avec les bons fournisseurs, il n'y avait jamais de problème. On se tapait dans la main et l'affaire était entendue. On se disputait juste pour le plaisir de discuter un peu, tandis qu'aujourd'hui... L'arrivée des Chinois complique tout. Il faut sans cesse vérifier. Ce n'est pas tellement la quantité qui pose problème, c'est la qualité. Ils m'ont fait perdre beaucoup d'argent ces dernières années. Tu as mangé ? Je parie que non. Tu n'as pas dû avoir le temps si tu as pris le car de 6 heures. Moi aussi, je l'aime bien. Tu y vas souvent à Alger? Plus souvent qu'avant, parce que j'ai mon traitement à faire renouveler. Et puis j'ai encore quelques amis là-bas. J'y vais environ tous les 15 jours. Je prends le car de 6 heures et je reviens avec celui de 18 heures. Naturellement, cela me fait rentrer tard et ta mère n'aime pas trop, mais bon, je ne vais pas me laisser faire par une femelle ingrate. L'oncle semblait particulièrement s'amuser de cette dernière remarque. Tiens, reprit-il, voici du thé et du pain. J'ai aussi un arrivage de dattes fraîches. Tu m'en diras des nouvelles ? tu n'as pas dû en manger souvent des comme ça en France. Au fait, tu ne viens pas me retirer ta mère, au moins? Ce n'est pas qu'elle me soit bien utile, mais je dois dire qu'elle se défend pas mal pour le couscous et les tagines. En revanche, tes sœurs, elles ne sont toujours pas mariées. Qui pourrait en vouloir? Elles n'ont pas de dot. Je leur prête déjà la maison, alors n'attends pas de moi un effort supplémentaire. Les affaires ne sont pas bonnes et le magasin ne rapporte rien. J'ai juste de quoi nourrir correctement tout le monde. Elles ne t'aident pas au magasin. Que pourraient-elles faire? Les marchandises sont bien trop lourdes. Je préfère faire appel à Kamel, le fils de ma sœur Jamila. Alors, que font-elles? Elles se louent ici et là. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a jamais assez pour faire bouillir la marmite. Pourquoi ne sont-elles pas parties s'employer en ville? Là, tu m'en demandes trop. Dis plutôt que tu n'as jamais voulu leur payer le quart, vieux gripsou. Et toi? Qu'est-ce que tu fiches ici?